Impossible de passer à côté de cette grève étudiante qui se prépare, en fait. Encore. Encore. Ça nous tente pas vraiment, là. Ça nous tente pas du tout. Le printemps misérable ou désagréable qui s'en vient. Et l'Université Laval, en fait, qui se mobilise également. Et des étudiants en sciences sociales qui ont tenu leur assemblée générale annuelle, pardon, ce lundi. C'était fascinant, hein? Sur le plan de la démocratie scolaire, Éric, je suis assez fascinée. Mais là, écoutez, là, il y a une grève sociale qui commence. Je vous annonce ça le 23 mars prochain. On en a déjà parlé, mais c'est là, ça se confirme. Dans 10 jours. Là, ils ont atteint le seuil critique de 30 000 grévistes parce qu'ils attendaient, ils votaient des mandats de grève un peu partout dans des cégeps, des universités. Là, les associations étudiantes ont annoncé qu'ils ont atteint ce seuil critique. Et donc, à partir... il va y avoir une marche, une manifestation, pardon, qui commence le 21 mars. Et je pense que c'est le 7 avril aussi qu'il va y avoir une autre grande grève là, qui va se tenir. Donc, il y a des endroits qui tiennent les deux. Ils vont partir les deux semaines en grève. Puis, il y en a d'autres que c'est juste les une journée de grève, soit le 21, soit le 23, soit le 7 avril. Donc, ça dépend d'une institution à l'autre. Mais là, il y a 30 000 étudiants au moins au Québec qui ont voté. Il faut faire attention. Là. Ben voilà. Il y a 30 000 étudiants qui vont tomber en grève, mais il y en a peut-être 300 qui ont voté pour, mais il y en a 30 000 qui vont tomber en grève. C'est ça le drame. Exact. Et permets-moi, Éric, de te lire un extrait d'un document sur lequel on a mis la main et on se demande pourquoi les étudiants vont en grève, parce que l'austérité... bref, des fois... Il y a bien des étudiants qui se le demandent aussi pourquoi ils vont tomber en grève. Alors, il y a le mouvement étudiant ici à l'Université Laval. En fait, c'est une, je me souviens plus c'est quelle faculté, mais écoutez bien cet extrait donc que je vais vous lire. Il faut démontrer dès maintenant à la classe dirigeante que nous, peuple, majorité, n'allons pas se laisser asservir stupidement par elle. Difficile de prédire ce qu'il adviendra du futur, mais soyons prêts et prêtes à refuser la dictature patronale. La dictature patronale, c'est quoi le rapport avec une université? Enfin, pour en parler, on accueille une jeune étudiante de l'Université Laval qui, elle, est opposée à la grève qui va s'annoncer. Son nom est Julie de Bellefeuille. Bonjour, Julie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Éric. Bonjour. Vous êtes étudiante, Julie, en études internationales. Oui, effectivement. Et très engagée dans le mouvement, mais pas dans le mouvement étudiant en faveur de la grève, mais le mouvement étudiant contre la grève, parce qu'il y en a un mouvement étudiant contre la grève. Oui, effectivement, il y a un mouvement étudiant contre la grève. C'est sûr que dans les médias, c'est pas ça qu'on parle. On parle de la majorité qui est pour la grève. Par contre, j'ai réalisé que lorsque j'ai parlé avec des collègues à l'école, il y a vraiment plus de gens qu'on pense qui sont contre la grève, puis qui... Je dirais qu'ils ont peur un petit peu de s'exprimer parce que les gens qui sont pour la grève ont tendance à être intimidants. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais les plus... en fait, ceux qui parlent le plus... Les plus militants, exactement, mettons. Peuvent s'avérer intimidants pour les gens comme moi et d'autres étudiants qui sont contre la grève. Avez-vous des exemples en tête, Julie, quand vous dites ils peuvent être intimidants? C'est dans le discours, dans l'agressivité, quoi? C'est comment ça peut se traduire? C'est dans le discours et, à mon avis, l'agressivité des réponses. Je vais prendre en exemple la page Facebook de mon association étudiante. En ce moment, elle est bourrée de propagande pro-grève. Et il y a des gens dans ça qui posent des questions. Oui, mais ça va affecter quoi à notre bac, cette grève? Et toutes les réponses, c'est super agressif, puis on sent qu'ils n'ont pas vraiment envie de répondre parce qu'ils n'ont pas vraiment de réponse. Ils n'ont pas d'argument. Non, puis effectivement, ça fait 2 jours que ces questions-là ont été posées, puis il n'y a toujours pas eu de réponse concrète à ces étudiants-là. Alors moi, ce matin, j'ai pris la décision d'écrire un nouveau post sur cette page Facebook, et étonnamment, mon commentaire recueille beaucoup plus de likes Facebook que les autres commentaires. Non, donc vous représentez peut-être la majorité silencieuse là, les étudiants qui êtes contre ce mouvement de grève-là. Julie, explique-moi, comment ça marche? Là, parce que là, j'ai vu que toi, tu vas tomber en grève. Comment ça a marché, le vote de grève? Puis explique-moi un peu combien il y était d'étudiants qui vont vous prendre en otage et qui vont vous faire manquer vos cours? En fait, mon association, en proprement dit, on va avoir l'Assemblée générale, pardon, mercredi. Donc mercredi, vous allez voter pour ou contre la grève? Exactement. Comment ça fonctionne? En fait, pour qu'une grève soit adoptée, le quorum pour mon association étudiante est de 17. 17 personnes qui vont représenter l'association qui est de 375 étudiants. Fait que 17 étudiants pourraient faire tomber 375 étudiants en grève. Exactement. Mmh. Écoutez ça, là, c'est moins que 5%. Là. 5% des étudiants peuvent faire tomber toutes les autres en grève. Moins de 5%. Belle démocratie. 4,2%, imagine-toi. C'est 95,8% du monde ils peuvent tomber en grève contre leur volonté. Oui, exactement. C'est beau. C'est ce que je déplore de, en fait, de pas mal toutes les associations étudiantes. Mais il y en a eu des votes là, à l'Université Laval récemment. Donne-moi des scores juste pour que les auditeurs puissent comprendre de quoi on parle. Il y a eu un vote mardi, c'est l'AESS qui représente les sciences politiques, l'anthropologie, sociologie, relations industrielles, économiques. Puis là, je m'excuse pour les autres bacs, je les ai pas, je vais pas tous prendre note, mais c'est 3000 étudiants qui sont représentés par cette association étudiante-là. Il y avait 163 personnes de présentes à l'Assemblée générale. 163 sur 3000. Exactement. D'accord, OK, là, sont à un petit 6 % bravo. Oui, OK, continue. 6 % 126 de ces personnes-là ont voté en faveur de la grève, contre seulement 37 qui ne veulent pas la grève. 126, mais... ça veut dire 4 % 4 % encore une fois qui font tomber le 96 % en grève. Oui. Et ce vote-là s'est fait de quelle façon? À main levée? Sur des papiers de carton qu'on écrivait pour ou contre. Puis tu levais ta main ou... Tu montrais le carton. Tu montes ton carton. Tu montes ton carton, c'était pour ou contre. Alors oui, c'est un vote ouvert où tout le monde voit. Tout le monde voit comment tu votes. Tout le monde voit pour qui tu votes. Si tu votes contre, tu te fais voir. Oui. Mais dis-moi, Julie, les collègues de classe avec qui tu parles, puis tu discutes, qui sont contre la grève, là, qu'est-ce qui vous frustre le plus dans ce qui se passe actuellement? Là? Explique-nous ton état d'esprit. Toi, là, tu vas peut-être te retrouver en grève, mais tu n'as pas envie d'y aller. Là. Comment ça se passe, là? Mais moi, ce qui me frustre le plus, c'est la manière que cette décision-là va être prise dans nos assemblées générales. Comme on vient d'en parler, il y a à peine entre 5 et 8 % des gens qui vont voter. Puis ça me frustre parce que ça, c'est supposé être représentatif. Puis ça ils nous le disent que ça nous représente, nous, les assemblées, nos associations. Puis ce qui me frustre, c'est que les dates de décision les dates qu'ils prennent pour des assemblées générales. Ben en fait, ils consultent pas du tout leurs membres. Mais là, moi, c'est ce que je comprends pas, Julie. Là. Pourquoi vous êtes des jeunes, là, vous êtes plus branchés que tout le monde qui écoute aujourd'hui. Là. Les jeunes, ils ont tout un ordinateur, ils ont tout un cellulaire intelligent, ils ont tout un compte Facebook, ils ont toute une adresse électronique, ils ont tout un compte qui peuvent recevoir le email, puis ils pourraient voter de façon électronique. Puis on l'a vu dans le dernier conflit étudiant, quand les étudiants votaient de façon électronique, d'abord, le taux de participation était 10 fois plus élevé minimum, puis deuxièmement, ça votait beaucoup plus contre la grève. Comment ça se fait qu'à l'Université Laval, ils ne sont pas capables d'organiser un vote électronique? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Premièrement, j'ai parlé avec la doyenne de l'AESS, puis elle avait proposé à cette association-là de faire un vote électronique. C'était possible. Oui, c'est possible de le faire. Je m'y connais pas, alors je ne vais pas m'avancer sur ça, mais je suis certaine que c'est possible de le faire parce que, comme tu dis, Eric, on l'a vu en 2012, il y a des associations qui l'ont fait. Puis même là, j'ai eu écho qu'il y a des cégeps qui l'ont fait en ce moment. L'argument de ces gens-là, c'est que ça doit être approuvé dans une autre assemblée générale de faire passer le vote électronique ou un autre type de donc, vote. Donc, c'est trop compliqué pour eux, là. Selon eux. Selon eux. Mais c'est moins compliqué aussi quand t'es 126 puis tu vas en faire tomber 3000 en grève. C'est moins compliqué de te présenter dans une AG pendant que tout le monde est en cours que d'autres choses à faire puis de faire tomber tout le monde en grève que d'avoir un vote démocratique qui ferait en sorte que ce monde-là se ferait balayer, là. Eric, on va continuer la discussion avec Julie, mais on vous pose la question tout de suite. De quel côté vous allez vous ranger ce printemps pour les carrés rouges ou pour les carrés verts? Appelez-nous. Puis Julie, si tu as du temps, tu pourrais demeurer avec nous pour entendre ce que les auditeurs ont nous dire. 670-9330 au studio@fm93.com. Puis là, je lance un message au carrés rouges. Oui. Là. Je veux que vous m'appeliez. Je sais que vous m'aimez. Ces réseaux sociaux, vous me bombardez de messages d'amour Eric, à tous les jours. Eric, tu souhaites qu'il nous appelle. Ah, je souhaite qu'il nous appelle. Mais toi, Nathalie, t'aillesse pas autant. Là. Je pense que toi, t'es comme... ils sont moins agressifs sur ton cas, mais même si vous êtes très agressif à mon égard, gênez-vous pas. Appelez, c'est votre chance, midi, là. 670-9330. Je veux vous entendre aussi, là. On n'est pas juste entre carré vert. À moins qu'il n'y en ait pas de carré rouge à Québec. C'est ce qu'on va découvrir en ouvrant une ligne. Possiblement, vous allez aller en grève. Toi, tu vas essayer d'aller à tes cours. Comment ça va se passer? Est-ce que tu sens qu'il y a des étudiants qui vont faire comme Jean-François Moras, puis aller chercher leur kit pour déposer l'injonction pour pouvoir aller à leur cours? Moi, ce que je suis en train de faire en ce moment, que je vais faire ce week-end, c'est écrire une lettre au doyen, comme les étudiants de l'UQAM ont fait, pour demander au doyen de maintenir nos cours si jamais il y a une grève. J'ai déjà des collègues étudiants qui sont d'accord avec ça et qui vont signer la lettre avec moi. Donc, en début de semaine prochaine, je vais en apporter ça à mon doyen pour prévoir ce qui va arriver mercredi. Si jamais on tombe en grève mercredi, je vais aller à mes cours. Parfait. C'est lancé le message. Si vous permettez, on va aller joindre Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Alors, vous vous situez du côté des carrés rouges, des carrés verts pour ce printemps désagréable? Des verts. Des verts, d'accord. Comme Julie? Pourquoi que si on, je sais pas combien qu'ils vont être, ils présument des carrés rouges, là. Mais pourquoi que tant qu'à 15 jours, pourquoi que les verts n'ont pas une journée et aller faire une barricade pour empêcher les rouges de passer? Pour être plus pesant, pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Sans faire de grabuge, mais pourquoi c'est toujours le petit qui plie? Jamais le c'est toujours le. C'est la minorité qui. C'est la minorité qui impose ses règles face à la majorité. C'est ça. Ben, si on a la majorité, là, ils sont supposés d'avoir l'itinéraire. Si c'est pas légal, les manifestations, ben, la police les ramasse toutes, les carrés rouges. Qui est je sais pas où, mais en tout cas, ils trouveront de la place, là. Ils vont avoir un colisée bien vide, là, bientôt, là. Non, ils leur donneront des contraventions comme ils ont fait en 2012. Ça fait un job. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir appelé. Merci. Maintenant, on va joindre Yvan. Bon midi, Yvan. Bonjour. Alors, les carrés rouges, les carrés verts, vous êtes de quel côté, vous? Les carrés verts. Alors, vous aussi. Pourquoi? Pourquoi? Ils veulent aller à l'école, la majeure partie. Ils sont brimés par des carrés rouges qui veulent niaiser. Je sais, j'en vois souvent, je fais affaire avec dans les coins, eux autres, qui sont. Puis, c'est pas tous les étudiants qui veulent pas y aller. Mais ce qui est de valeur, c'est que on leur donne des prêts et bourses pour qu'ils aillent faire la grève. Qu'ils aient demandé au syndicat qu'ils leur donnent le prêt et bourse. Ça va bien aller, là. Je sais pas peut-être qu'ils vont changer d'idée. Mais d'ailleurs, Yvan, il y a un auditeur qui nous a écrit hier qui dit, moi, là, je paye les prêts bourses, en fait, les bourses avec mes impôts. Ils vont être en grève. Est-ce que je vais continuer de... Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer de recevoir, leur financement? C'est une bonne question, effectivement. Ouais. Ben oui, on va continuer à lui donner. Ils rient de nous autres en pleine face, puis ils vont aller... C'est de valeur. Montréal, encore un coup, ils vont passer au cash, là. Tout ce que c'est que ça représente de coûts au monde alentour de ça, ça a regardez bien, là. Oui, je vois l'école, voici à l'école. C'est ça. Mais t'as un prêt à un bourse, voici. Puis la majeure partie, c'est de valeur parce que c'est les bons qui payent tout le temps la note pour les pas bons. C'est ça qui est plate. Merci beaucoup, Yvan, d'avoir appelé. De rien. Maintenant, nous allons joindre Alex. Bon midi, Alex. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes du côté des carrés rouges ou des carrés verts, vous? Des carrés verts, évidemment. Écoutez, moi, je suis étudiant à l'Université Laval en relations industrielles, donc... J'ai pas pu me présenter à l'AG de l'AESS mardi parce que moi, j'étais occupé à travailler pour payer mes études. Hey boy, t'as raison. Donc, vous comprendrez qu'il faut mettre les priorités aux bonnes places. Puis le vote électronique, moi, c'est sûr qu'ils voulaient pas que tu votes parce qu'un vote électronique t'aurait voté. C'est ça que tu veux nous dire, là? Bien, évidemment, ça aurait été l'idéal. Ça aurait été le plus démocratique. Puis j'ai beaucoup de mes amis qui étaient comme ça aussi, qu'il y avait des examens, il fallait qu'ils étudissent. On n'a pas le temps d'aller à ces enjeux-là. Là. Mais Alex, juste pour votre bonne gouverne, Caroline vient de nous écrire « Les étudiants du cégep Édouard Montpetit ont tenté de faire passer le vote électronique et l'Assemblée a tourné au vinaigre. Oui. » C'est ce qu'on nous dit. Alors, oui, ça avait brassé. On a vu ça passer dans les journaux cette semaine. Là. Ça a brassé pas à peu près, ça arrive sud de Montréal. Puis vous, Alex, allez-vous aller à vos cours, même s'il y a grève? Ah, c'est certain que je vais essayer d'aller à mes cours, mais j'ai parlé à mes profs, puis eux, ils disent que ils traverseront pas les lignes de piquetage. Ils vont se présenter, mais ils traverseront pas. Ils joueront pas au Superman. Fait que, Ça, c'est un autre point. Ça, c'est un autre point. Les profs, là, gars, sont payés pour donner le cours. S'ils veulent pas jouer au Superman, ben, qu'on leur coupe le salaire. Si tu travailles ou tu travailles pas. Si tu veux pas rentrer dans le cours, ben, reste chez vous, puis on te coupe. Puis on va en engager un autre à ta place. C'est merci, bonjour. Mais Alex nous donne une idée, Eric. On va aller. Il faut absolument qu'on parle à des profs. Au syndicat d'université. Des profs. Absolument. Ouais. Merci, Alex. Merci, Alex. Merci, Alex. Salut. Merci également. Maintenant, on va rejoindre Jean. Bonjour, Jean. Oui, c'est bonjour. Bon midi. De quel côté vous situez? Rouge, vert? Moi, c'est vert. Puis justement, j'allais en venir à ça. J'espère que les professeurs ils vont passer. S'ils passeraient, là, les cours auraient lieu pareil. C'est ça qui est étonnant parce que c'est du maudit syndiqué là, qui ne veulent pas déplaire aux étudiants. Puis je pensais à ça. Être une compagnie, là, puis faire un mandat de grève, je pense qu'à 5%, ça marcherait. Moi, ouais, voilà. C'est un problème. C'est pas une démocratie, ça. C'est une joke. Ben, c'est une démocratie assez élastique. C'est épouvantable que, comme vous dites, 6% là, que 94% du monde pour pas empêcher les cours. Ouais. Et, il se passe rien. Il se passe qu'il faut mettre la police là-dessus. Ben, même les policiers sont quasiment pour eux autres. Ils laissent aller. Puis en plus... On l'a vu à Montréal, les gars sont rentrés dans la mairie. C'est à tout de suite. Vous voyez, les policiers qui ont gardé le monde, il se passe rien. Tout était beau. Puis... Ouais, attendez, Jean-Julie veut peut-être vous apporter un complément d'information. Oui, mais ce que je comprends pas, comme vous parlez des travailleurs qui font la grève, ils travaillent, ils peuvent faire la grève, mais en tant qu'étudiant, on est des clients, on paye pour un service. Oui. Alors, je oui, comprends c'est pas correct, le... T'es pas une travailleuse, non, c'est là. Ça. Non, c'est ça. On est 20. On serait syndiqué, c'est une fois qu'il y aurait rien une carte qui va se faire pour la grève. Là. Ben, désolé, les quatre restés dehors, on va y travailler, nous autres. Mais c'est ça. Oui, exactement. Ça finit c'est là. C'est ça que je veux dire. Là. Si vous êtes brimés par, par mettons, 100 sur 2000. Là. C'est ça, oui, le message avec l'argent. 5 % 1 sur 20, puis c'est tout, ils bloquent tout. C'est ça que je veux dire. C'est que, comme Hydro-Québec, vous allez faire de la grève, après 1000 personnes sur 10 000, là, regarde, les 1000, si vous ne pouvez pas travailler, reste chez vous. Puis, on va travailler. Et cœur nous pas. Merci beaucoup, Jean, d'avoir appelé. Yes. Bye. Bon lundi. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que tu dis là, Nathalie? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Il est temps que la fin de semaine arrive. C'est pas moi qui abuse, c'est toi. J'allais souhaiter un bon vendredi à Valmy qui est sur la ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes du côté des Carrés Rouges, des Carrés Verts? Éric? Oui. Ça va bien? Oui. Moi, en 79, j'étais au cégep de Shawinigan. Il y a eu un vote de grève. Ça prenait obligatoirement 70 % des élèves dans l'auditorium pour prendre le vote. 70%. C'est un vote caché. Combien ça prenait de pourcentage? 70, mais un vote secret. 70% des étudiants dans l'auditorium. Okay. Il y avait 69%, il n'y avait pas de vote, c'était remis. Écoute, au cégep de Shawinigan. Imagine-toi, le Julien nous raconte qu'ils sont 17 sur 350, puis ils vont pouvoir déclencher une grève. Vous savez-vous quoi, Valmy? Les étudiants qui veulent faire la grève là, dénoncent la dictature patronale. Moi, je pense que ce qu'ils démontrent, c'est qu'ils sont, ils incarnent la dictature d'une minorité. C'est ça qu'ils font. Ils sont contre la démocratie. C'est juste ça. Puis l'autre affaire aussi, ils savent même pas pourquoi ils se battent. Là. Oubliez pas ça. Il y a pas de hausse de frais de scolarité cette année. Là. Ils se battent pas. Ils se battent contre l'austérité. Mais il n'y en a pas d'austérité au Québec. Les dépenses continuent d'augmenter. Ils se battent contre un fantôme. Comment que t'as raison, Éric? Comment je te dirais bien ça? T'as raison à 100%. Nathalie, là, tasse une coche, là, juste pour tasser sur le côté d'Éric. Quand... Ouais, c'est vrai. Je vais l'amener de mon bord, inquiète-toi pas. Non, là. Non, mais je suis d'accord. Travaille fort, là, Valmy. Valmy, écoutez-moi, là. Je suis du côté des carrés verts à 200%. Sur ça, on vous remercie pour vous souhaiter un bon week-end. Merci. Bye bye. Merci, salut. Maintenant, on va joindre Raymond. Bon midi, Raymond. Salut, bonjour. Raymond. Bonjour à vous trois. Oui, à bonjour. Vous trois, c'est gentil. Moi, oui. Vous dites tout en partant, je suis un carré vert peinture des deux bords. Bon. Ça, c'est officiel, là. Moi, ce que je sais que je comprends pas, j'aimerais demander à Julie, de quelle manière ça s'est pris le vote pour les étudiants à l'Université Laval? Est-ce que c'est en main levée devant tout le monde comme ça, ou c'était secret par petit papier qu'on met dans une petite boîte? Pour le cas de l'AESS, en fait, c'était à main levée sur des cartons où les gens écrivaient s'ils étaient pour ou contre la levée de grève. Alors, c'était public. Là, tout le monde voyait. Les étudiants levaient un carton dans les airs, puis c'était marqué pour ou contre. Puis là, ils comptaient les pour, ils comptaient les contre. Oui. Okay. En autre mot, c'est encore les syndicats qui sont autour de ça. Yeah. C'est la manière de travailler. Ça a toujours été comme ça. Les gros bras sont en arrière. Puis toi, là, si tu es contre ça, on va t'organiser la face après l'Assemblée. Toi. C'est le Rambo étudiant. Moi, ça m'écœure. Regarde, quand je vois ça, au prix que ça coûte, ces mots juste de bâtir du Mercedes, comment ça va nous coûter nos impôts pour bâtir ça? Absolument, d'une part. Puis les étudiants aussi, il y en a qui ont des prêts bourses, mais il y en a qui travaillent puis qui payent de leur propre poche là, pour suivre leur cours. Mais moi, quand ça me rappelle une chose. Là, dans le temps que j'étais sur Internet, ces chantiers, moi, j'avais des travailleurs, j'avais des carrosses de bon, OK? Mais à un moment donné, ça me prenait certains ouvriers, des gens comme des journaliers. Et souvent, ceux que j'avais, les journaliers, c'est des gens qui travaillaient 1, 2, 3, 4 mois par année maximum. Pourquoi? C'est des gens, la première semaine, là, ils suivaient les ordres, ça marchait. Mais la deuxième semaine, ils se traînaient les pieds. Et mais c'est quoi le lien que vous faites avec les étudiants? Le rang syndical, il vient d'écœurer. Mais c'est quoi le lien que vous faites, Raymond, avec ce qui se passe avec la grève étudiante, là? Ben, c'est les syndicats qui mènent. OK, d'accord. Okay. Mais merci. C'est les syndicats qui mènent, puis l'argent vient de là. Les autobus, c'est les syndicats qui payent. C'est ça, mais c'est vrai. Ça marche pas, ça, là. Ils payent la pizza pour les associations étudiantes, ils payent tout. Ils sont tous prêts à faire tout ça. Allez, félicitations à votre émission. Hein. Merci. À la prochaine. Bon week-end, bye. Salut. Bon vendredi, Lise. Lise, êtes-vous là? Oui. Bon. Oui, alors vous êtes... Deux. Bonjour à vous trois. Julie est avec nous en onde. Oui, la petite Julie, c'est ça. Moi, j'attends encore qui va payer la facture de 2012, le 90 millions. Est-ce qu'on l'envoie aux parents? C'est une bonne question, ça. Parce qu'à Vancouver, quand il y a eu l'émeute, on a envoyé la facture aux parents. Je vous jure qu'il n'y en aura plus jamais d'émeute à Vancouver. C'est une bonne question. Il n'y a personne qui paye au Québec. Moi, j'ai l'impression que quand un étudiant, c'est banc d'école, c'est encore les parents qui sont responsables. Donc, on envoie la facture aux parents. Là, Lise, je ne veux pas vous décevoir, là, mais vous allez tomber de votre piédestal tout de suite. Là. Amir Kadir, sa fille, a fait 100 000 $ de dommages à l'Université de Montréal. Elle a vandalisé le bureau de la ministre Lynn Beauchamp. Elle a tout démoli une machine distributrice au Cégep du Vieux-Montréal. Elle a bloqué un pont, puis ils l'ont libéré, puis ils ont donné l'absolution. Fait qu'elle n'a même pas payé une scène. Fait qu'essayez pas de penser qu'on va refiler. Puis son père est député, imaginez-vous. Fait qu'il... C'est puis... ça, je voulais démancher tout ça, moi, là, en faisant ça. Là. Ils sont capables de faire des louets. Ouais, mais... les parents sont responsables. Puis regardez un étudiant ou une étudiante, là, si c'est son père ou sa mère qui reçoit la facture, vous allez voir qu'ils vont en briser moins d'affaires. Mais est-ce que vous mettez en lumière, Lise, c'est on vit dans une société très permissive. Très, très, très permissive. Ben trop. Ben trop, là. Exact. Mais merci d'avoir appelé, Lise. Au revoir. Au revoir. Maintenant, on va joindre Jean-François, probablement d'un dernier appel, les amis. Oui, Jean-François, bon midi. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous étudiant, vous? Ben oui, je suis étudiant à l'Université Laval en administration, puis je suis aussi père de famille et je suis à mon compte, dans le fond, je suis entrepreneur. Donc, honnêtement, là, j'en ai pas parlé depuis quelques temps, mais ma vie est assez bien remplie, donc je suis pas vraiment au courant de tout ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'espère, parce que moi, je suis pas dans le cas où je suis d'accord avec ces histoires-là de grève et tout. On en parle un petit peu dans nos cours, là, en administration, pour dire qu'il n'y a pas grand monde qui sont en accord avec ça. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de grève et qu'on ne sera pas pris pour reporter la fin de nos études à plus tard. Là, moi, j'ai pas le temps là, de niaiser. Mais, c'est ça, moi, faut que ça avance. Là. Mais Jean-François, je demandais à Julie, est-ce que Julie, tu vas là à tes cours? Julie m'a dit oui, même s'il y a une grève. Je vous donne une idée, là, Jean-François et Julie. Vous n'avez pas le goût là, d'envoyer un message à tous ceux qui sont contre la grève, de dire, nous autres, on va y aller à nos cours. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive, puis on va se mettre en gang, puis on va... Comprenez-vous une stratégie pour pousser la machine? Absolument. Ben, pour ma part, c'est certain que, écoutez, si on peut... Si les professeurs donnent les cours, c'est certain, moi, que je vais traverser tout ça, puis je vais me rendre à mes cours. Comme je vous dis, j'ai pas le temps. Et il faut avancer, là. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, ils savent même pas à la limite pourquoi ils manifestent. Et exact. Tout, là, moi, pour ma part, là, mes frais de scolarité, là, bon, c'est sûr que je veux dire, c'est moi qui fais mes études, mais même si c'était plus élevé, j'aurais pas de misère avec ça. Là, ça va avec le service auquel on a droit. Puis, en tout cas, moi, je vous dis, je comprends pas. C'est encore comme vous l'avez dit. Tout à l'heure, c'est probablement une histoire encore de syndicats et tout ça. Oui. Puis, Jean-François, ils ça. Savent tellement pas pourquoi ils s'en vont en grève. Tantôt, Martine Desjardins était à l'émission de Mario Dumont, est allée dire que c'était aussi contre le gouvernement fédéral, le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Elle sait pas que l'éducation... La fille est prof, elle a un doctorat supposément en enseignement. Elle sait pas que l'éducation, c'est de compétence provinciale. Je veux dire, ça n'a aucun rapport avec le gouvernement fédéral. Il y en a qui s'en vont en grève à cause des sables bitumineux, puis du pétrole, puis sont contre le pipeline. Il y en a un autre, c'est l'austérité. Il y en a un autre qui pense qu'il augmente les frais de scolarité, c'est trompé de printemps. Je veux dire, c'est n'importe quoi, ils sont contraires. C'est n'importe là. Quoi, je suis d'accord. Je veux pas être plate, mais comme on dit souvent, c'est pas les sciences administratives ou les sciences, la médecine et tout ça qui vont aller dans ces grèves-là puis qui sont en accord avec ça. Souvent, c'est les... En tout cas, je veux pas être plate, mais c'est les sciences molles. Là, les sciences sociales. Et voilà. Bien, merci Jean-François. Merci Jean-François. Merci. Bye. Julie, c'est évident là, qu'on a eu des... Il n'y a aucun carré rouge qui a empli à passant. Oui. Vous êtes bien bruyant quand c'est le temps de faire des manifestations, puis du vandalisme, puis de mettre des têtes de cochon devant un poste de police comme vous avez fait à Montréal, gang de sauvages. Mais quand c'est le temps de parler avec du monde, puis argumenter, puis on ouvre les lignes, là, vous avez la chance de parler dans un média, là, vous faites petit. Hein? Quand vous avez de l'opposition, vous n'aimez pas ça. Vous êtes bien big là, quand vous êtes tout seul dans une assemblée que vous avez contrôlée, puis que vous êtes 17 à en faire tomber 300 en grève. Mais quand c'est le temps d'avoir des débats face à face, un à un, vous sauver. Pas très courageux, Carré Rouge. Attendez un instant, les amis. Rizlaine qui nous écrit « Moi, je suis une fière Carré Rouge. » Appelle Rizlaine. Et j'appuie fortement la contestation populaire qui se prépare. Je me prononce donc ainsi contre les coupures budgétaires dans le domaine de l'éducation imposées par le gouvernement provincial. Je trouve aussi qu'il est important de faire front commun, de créer une mobilisation coordonnée avec les autres associations communautaires et organisations syndicales dans la perspective d'une escalade des moyens de pression. Par ailleurs, les assemblées générales sont ouvertes aux étudiants et au lieu de chialer sur les votes et les résultats, les dons voter. Moi, ce qui me fascine, c'est que là, t'es étudiant, ta job, c'est d'étudier. Si tu veux un jour contester les politiques du gouvernement, tu le feras quand tu seras sur le marché du travail. Exact. Quand ça touche pas... Quand mais ça toutes touche... tes affaires. Exact. T'es là pour étudier. Là, t'as raison, Éric. Il embrasse là, une cause, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis finalement, tu perds l'essentiel. Nathalie, l'éducation, là, c'est un bien que t'achètes. Là. Tu t'en vas, puis tu payes pour aller avoir des cours. On va-tu commencer à bloquer les portes des centres d'achat Parce que ça n'a pas rapport, je veux dire, ce monde-là, on veut avoir accès à un service. Ils peuvent, tu sais, avoir la paix, puis ça crée nous patience avec vos maudites revendications. Là, ils sont, en fait, c'est des pantins, puis là, on le voit de plus en plus. C'est des pantins des organisations syndicales qui se préparent à un printemps chaud, qui veulent revendiquer des augmentations de salaire faramineuses, comme on a parlé hier avec Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal. Et aujourd'hui, ils utilisent les marionnettes étudiantes pour foutre le bordel de leur printemps étudiant.